Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de la vague de suicides chez France Télécom entre 2008 et 2010. Le 22 juin 2015, et pour la première fois, une entreprise était poursuivie au pénal pour harcèlement moral sur l'ensemble de sa politique sociale. Il y a quelques années, c'est à travers une série noire que le travail et ses conditions ont surgi à la une des journaux. De janvier 2008 à mars 2010, des salariés de l'entreprise France Télécom Orange se suicident. Certes, il est toujours très difficile d'expliquer un tel geste qui ressort avant tout de l'intime. Mais on sait, depuis les travaux du sociologue Émile Durkheim, qu'il est aussi un fait social. D'où cette question. Quelle est la responsabilité du travail dans cette suite de gestes désespérés? C'est la première question, évidemment. L'entreprise France Télécom est-elle responsable? S'est-elle retranchée derrière les motifs privés de ceux qui se sont suicidés, entendez par là, des motifs qui ne seraient pas liés aux conditions de travail? S'intéresser à cette affaire, c'est aussi, et au passage, se plonger au cœur de la privatisation d'une entreprise publique et de ses conséquences. Le vendredi 20 décembre 2019, il y a à peine plus d'un mois donc, le tribunal correctionnel de Paris rendait son jugement. France Télécom et ses trois anciens dirigeants, Didier Lombard, l'ex-PDG, Louis-Pierre Vénès, ex-numéro 2, et Olivier Barbereau, ex-directeur des ressources humaines, ont été déclarés coupables de harcèlement moral institutionnel pour la période 2007-2008 et condamnés à de la prison avec sursis, ainsi que 15 000 euros d'amende. Notre invité aujourd'hui, Michel Debout, psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé. Il est l'un des spécialistes français de la prévention du suicide et des souffrances au travail. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 26 avril 2011, Mérignac, près de Bordeaux. Il est environ 7 heures ce matin-là quand Rémi Louvrat, doux, 57 ans, marié et père de 4 enfants, prend la direction du site Pichet, rattaché à France Télécom. L'homme à la chevelure poivre et sel, réputé pour sa gentillesse et sa discrétion, est cadre dans l'entreprise depuis 20 ans. Il y est entré après son BTS électronique en 1977 et ne l'a plus quitté. Mais en ce matin du 26 avril 2011, au lieu de se diriger vers l'agence du centre de Bordeaux où il travaille depuis quelque temps, c'est vers son ancien lieu d'affectation qu'il se dirige. Arrivé devant le site, il enjambe le portail, encore fermé à cette heure-ci, s'avance sur le parking désert, contourne le bâtiment et là, il décide de s'immoler par le feu. Lorsque le premier salarié du centre arrive sur les lieux du drame, il est déjà trop tard. Rémi Louvradoux vient de mettre fin à ses jours dans un geste d'une violence inouïe. Quelques heures après, les journalistes arrivent sur place et filment la gerbe de fleurs déposée au pied de la fumée noire incrustée sur le mur blanc. Les salariés du site se sont réunis pour se recueillir. D'autres employés de France Télécom les rejoignent dans l'après-midi. En fin de journée, c'est au tour de Delphine Ernotte, directrice de France Télécom, de se rendre sur les lieux. Pour de nombreux observateurs, l'immolation de Rémi Louvradoux rappelle celle de Mohamed Bouazizi, ce jeune vendeur ambulant de fruits et légumes qui s'est donné la mort de cette façon quelques mois plus tôt en Tunisie et qui a déclenché une révolution dans le pays. Le symbole est fort, comme un coup de massue sur les esprits. Pourquoi Rémi Louvradoux a-t-il décidé de mettre fin à ses jours sur son ancien lieu de travail? Pour sa famille et certains collègues, son suicide est précisément lié à son travail. Tous mentionnent la colère qu'il animait ces dernières années à l'encontre de l'entreprise. Les mutations incessantes, les changements de service, de métier, le stress et les prises de bec avec ses supérieurs, ses courriers aussi envoyés à sa hiérarchie qui sont restés sans réponse. Pour les dirigeants de France Télécom, ce drame est aussi un coup terrible, un de plus. Pourtant, Stéphane Richard, le nouveau PDG, pensait avoir tourné la page. Il avait mis un terme à la série de suicides qui avait touché l'entreprise quelques mois auparavant. Et voilà qu'une nouvelle tragédie place de nouveau France Télécom dans les affres du malaise social. Mais que se passe-t-il avec cette entreprise? On l'a dit pourtant florissante, elle qui a réussi à s'adapter à la révolution technologique de son secteur, qu'on décrit souvent comme la privatisation réussie. Une entreprise dont la majorité des salariés bénéficient encore du statut de fonctionnaire et donc de la sécurité de l'emploi qui s'y rattache. C'est qu'en réalité, derrière cette image officielle et édulcorée, se trame depuis une dizaine d'années des mutations économiques et sociales sans précédent, dont les répercussions ont provoqué une souffrance profonde chez tous les salariés. France Inter. France Inter. Mais on va commencer avec une nomination. Après la démission vendredi après-midi d'Hervé Guémard, le ministre de l'économie et des finances, après son remplacement dans la foulée par Thierry Breton, le PDG de France Télécom, l'opérateur historique attendait de connaître son nouveau patron. Eh bien, le successeur de Thierry Breton est Didier Lombard. Il était jusqu'à présent directeur exécutif du groupe en charge de la mission technologie, partenariat stratégique et nouveaux usages. Le 27 février 2005, quand Didier Lombard est nommé PDG de France Télécom Orange, il arrive à la tête d'une entreprise en pleine mutation. Cette révolution, il l'a vécue de près, lui qui a fait toute sa carrière ici. Depuis 20 ans, l'administration centenaire des PTT vit au rythme des révolutions technologiques et des orientations politiques. En deux décennies, France Télécom est passé du confortable monopole à l'impitoyable concurrence d'un marché en pleine expansion. Ses dirigeants et ses employés ont connu la ligne fixe, le fax, le Minitel, le mobile, Internet et le haut débit. Rien que ça. Face à ces révolutions, il fallait donc s'adapter. Le pouvoir politique voulait privatiser, mais politiquement c'était périlleux. Les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont donc trouvé la parade, l'ouverture du capital. En 1997, France Télécom fait son entrée en bourse. Petit à petit, l'État met en vente ses parts et réduit sa participation. C'est le fameux désengagement de l'État, ici comme ailleurs, maître étalon de la pensée libérale. L'année suivante, en 1998, le marché européen des télécommunications s'ouvre à la concurrence et là, c'est la ruée vers l'or. France Télécom, qui bénéficie de l'un des meilleurs réseaux au monde, voit son action multipliée par 8 en 3 ans. Alors, la folie des grandeurs peut commencer. Michel Bon, le PDG, se lance dans le rachat de concurrents à des prix prohibitifs. On retient notamment celui d'Orange, le troisième opérateur britannique qui deviendra le fer de lance du marché mobile de France Télécom. Oui. Sauf que cette politique se fracasse rapidement sur l'éclatement de la bulle Internet. En 2001, France Télécom obtient même le titre peu glorieux d'entreprise la plus endettée du monde. Michel Bon est remplacé par Thierry Breton, qui engage à marche forcée une cure d'austérité sans précédent. Alors après 4 années difficiles, les salariés espèrent un ralentissement. L'arrivée de Didier Lombard, un homme du sérail, leur permet de caresser cet espoir. Et pourtant, quelques mois seulement après son arrivée. France Télécom, 6 milliards d'euros de bénéfices et pourtant 17 000 postes supprimés d'ici 2008. L'opérateur subit de plein fouet le boom de la téléphonie sur Internet. Les 6 000 embauches annoncées seront donc, selon l'entreprise, tournées vers les nouvelles technologies. Access, browser, confirm, connected, internet, next. Didier Lombard poursuit les grandes manœuvres engagées par Thierry Breton, avec le même credo, s'adapter à la révolution technologique. Pour cette modernisation, il lance avec son numéro 2, Pierre-Louis Vernès, et son directeur des ressources humaines, Olivier Barbereau, deux plans. Next pour nouvelle expérience télécom et ACT pour anticipation et compétences pour la transformation. Comme souvent, la modernité passe par le langage, les salariés découvrent un nouveau champ lexical. L'objectif est simple, il faut passer d'une culture de service public à une organisation du travail adaptée à la concurrence féroce. Et la rupture est brutale pour les salariés de l'entreprise. Ils doivent changer de logique. De fonctionnaires au service de l'usager, ils deviennent commerciaux pour un client. L'équipe dirigeante augmente les budgets de formation, mais surtout accentue la mobilité, accélère la restructuration des services et insiste sur les objectifs chiffrés. En réalité, derrière ce plan Next, qui se déguise en révolution culturelle, se cache une stratégie de réduction des effectifs. La majeure partie des 100 000 employés de France Télécom est fonctionnaire. Tout plan social est donc impossible. Alors, on encourage les salariés à démissionner. 22 000 doivent avoir quitté l'entreprise d'ici 3 ans. Interviewé quelques années après pour envoyer spécial, un cadre de l'entreprise témoigne. Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel. Ce chiffre de 22 000 emplois faisait partie des objectifs qui nous étaient assignés et qui permettaient d'ailleurs de justifier notamment les primes et notre salaire variable. C'était un des indicateurs qui était mesurable et qui permettait de justifier, entre guillemets, notre bonus. Au cœur de cette stratégie, le rôle du manager s'accroît et la métaphore guerrière s'affirme. On représente France Télécom assaillie de toutes parts par ses concurrents. On compare la situation de l'entreprise à la bataille d'Angleterre. Donc, il faut resserrer les rangs. Chaque manager doit atteindre un nombre de démissions sur l'année. Pour réaliser cet objectif, on lui confie un schéma au titre évocateur, les courbes du deuil. On y évoque le triptyque résistance, dépression, acceptation, autant d'étapes par lesquelles le salarié devra passer. Au manager de trouver dans leur équipe les porteurs de signaux faibles, comme ils disent, ceux qui sont le plus à même de craquer. Avec tout autant de cynisme et moins de conséquences, TF1 appelait ça le maillon faible. Tout le monde était choqué, mais ce n'était qu'un jeu. Là, c'est la réalité sociale. La transition pour les salariés de France Télécom est violente, évidemment. En quelques années, leur métier change à toutes les échelles, que ce soit pour les techniciens, les opérateurs ou les commerciaux. D'un jour à l'autre, certains se retrouvent plongés au cœur de ces plateformes téléphoniques sans âme. Sur leur bureau, un ordinateur, un casque, c'est tout. La personnalisation, photo de famille ou autre, est interdite. Ils sont minutés toute la journée au téléphone, récitant un script préécrit. La déshumanisation est en marche et les fonctionnaires d'hier intègrent le prolétariat contemporain. Un salarié raconte, quelques années après, ce qu'il a enduré pendant cette période. On déplace les gens en espérant qu'ils vont se fatiguer. Donc on m'a d'abord dit de trouver un nouvel emploi. Ensuite on m'a dit on supprime ton poste. Ensuite on m'a dit tu trouves pas de poste donc on te donne des boulots à faire, des boulots extrêmement intéressants, en me disant par exemple que le travail que l'on me donnait aurait pu être fait par un étudiant en stage. Après 20 ans France Télécom, c'est quand même dur à entendre. À partir du moment où vous n'avez pas de poste fixe, les gens ne vous regardent plus. Eux, ils ont un travail. Et le fait que vous ayez travaillé avec eux 6 mois avant et que vous les connaissez, en fait, ils ne vous regardent plus. Les organisations syndicales réagissent bien sûr. La CGC et Sud Télécom, deux syndicats que tout oppose, mettent en place une initiative originale, l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom. Cette association regroupe des syndicalistes, des experts de la santé au travail et des chercheurs. À la fin 2008, cet observatoire rend une étude sur l'année écoulée. Elle est accablante. Un salarié de France Télécom est en moyenne absent 20 jours par an pour cause de maladie. 66% des salariés d'Orange s'estiment stressés, 15% en souffrance. Les raisons du mal-être sont rapidement connues. Organisation du travail, méthode de management, objectifs irréalisables, attitude de la hiérarchie. De son côté, la direction estime que ce rapport n'est pas scientifiquement valable. Dans le même temps, elle prend tout de même quelques mesures et met en place un plan de lutte contre le stress, un numéro vert et des cellules d'écoute. Il faut dire que le rapport de 2008 répertorie des chiffres impressionnants. Sur l'année considérée, l'Observatoire recense 16 suicides chez les salariés de France Télécom. Parmi eux, Jean-Michel, à 3. Le 2 juillet 2008, vers 17h30, il appelle sa collègue Anne-Marie Kéroni, déléguée syndicale. Depuis plusieurs jours, il lui parle de sa souffrance, de son mal-être. À l'autre bout du fil, Anne-Marie sent que Jean-Michel est à bout. Alors elle essaie de le rassurer, elle lui promet de faire quelque chose. Et puis tout à coup, le téléphone raccroche. Anne-Marie n'entend plus Jean-Michel. Il vient de se jeter sous un train. Quelques jours plus tard, la déléguée syndicale reçoit une lettre. Voilà enfin la fin d'un long calvaire. J'en pouvais plus, tu sais, d'être dans cet enfer, à passer des heures devant un écran comme un vrai pantin mécanique, devant l'acharnement de certains à nous laisser crever comme des chiens. Cette bande de charognards m'a vraiment poussé à bout. Si seulement mon geste pouvait servir à quelque chose, mais j'en doute, c'est plus la politique actuelle. Ça fera toujours un de moins. Si tu pouvais en parler autour de toi ou faire remonter que les autres sachent et se rendent compte combien cette bande d'irresponsables est prête à tout pour faire partir les gens, voire les laisser crever, comme ça a été le cas. Merci pour tout ce que tu essaies de faire, sans grand résultat malheureusement, mais Tu n'y peux rien. Ils n'ont plus aucun sentiment. Pardonne-moi d'avoir baissé les bras et encore merci. Comment des conditions de travail peuvent-elles pousser un homme à commettre un tel acte? Il faut se rendre compte, en 3 années seulement, France Télécom subit la plus forte restructuration qu'ait jamais connue une entreprise depuis les mutations du secteur sidérurgique dans les années 80. Dans le même temps, elle réalise un bénéfice de plus de 5 milliards d'euros. En interne, la situation se délite. Un an après, l'emballement survient. La crise financière de 2008 est passée par là, la politique d'Orange va éclater au grand jour. Connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse de lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là, j'y coule à mes oreilles. Petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Je perds le nord, qu'importe. Quand je vois se poindre les pyramides, nez à nez, mes lubies. Là, j'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise. Connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe, des trésors satinés, dorés à souhait. Mieux vous comprendre pour mieux vous aider. Chez Orange, avec le service 24 heures garantie, nous vous prêtons un smartphone immédiatement en boutique. Marseille. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2009, Michel de Paris, un technicien réseau de France Télécom, met fin à ses jours. Dans une lettre laissée à sa famille, à destination de ses collègues, il écrit « Je me suicide à cause de mon travail à France Télécom. C'est la seule cause. Urgence permanente, surcharge de travail, absence de formation, désorganisation totale de l'entreprise, management par la terreur. C'est bien le travail qui a provoqué ça. » Et c'est donc France Télécom qui est responsable de mon suicide. À un an d'intervalle, quasiment jour pour jour, entre les suicides de Jean-Michel à Troyes et de Michel de Paris à Marseille, on retrouve les mêmes mots, les mêmes accusations à l'encontre de France Télécom. Alors, d'un commun accord, les 6 syndicats demandent un entretien d'urgence à Didier Lombard, le PDG de l'entreprise. Ils insistent sur la multiplication des cas de suicide chez les salariés depuis le début de l'année 2008. Ils en ont comptabilisé 20. Ils renouvellent leur demande d'une négociation sur le stress. La direction leur propose d'attendre jusqu'au 10 septembre, date du Comité national d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Mais pendant l'été 2009, quatre nouveaux suicides surviennent. Parmi eux, Nicolas de Grenouville, un jeune technicien de 28 ans qui se pend avec un câble de France Télécom et sa veste de travail dans son garage. Quelle signature! D'ailleurs, lui aussi évoque son travail dans une lettre posthume. Le jeune âge du salarié marque les esprits. À cela s'ajoutent quatre tentatives. Alors les médias commencent à relayer l'information. Les journaux s'ouvrent avec cette question. Mais que se passe-t-il chez France Télécom? À visage couvert, une salariée témoigne. Au cours de l'été, elle a tenté de mettre fin à ses jours, elle aussi. En cours d'après-midi, notre responsable de service nous a tous réunis au milieu de la pièce. Bon, il avait un fax à la main, on avait compris. Et il a dit, je vais maintenant vous donner les noms. Et il a donné les noms, j'étais le sixième nom. Là, l'angoisse est montée, l'envie de pleurer. J'aime pas me donner un spectacle, je me suis levée, je suis partie dans un lieu qui est notre réfectoire d'étage. J'ai ouvert le second tiroir. Bah, dans le second tiroir, il y avait les antidépresseurs, les calmants. Et j'ai dit, voilà la solution. Ils veulent plus de moi. Et ils m'auront plus. Ils m'ont mis à la poubelle. Ils m'ont jeté comme un vieux déchet qui ne sert plus. Ils ont brisé une partie de ma vie. J'étais épanouie. Je rentrais le soir, bon, quelquefois un peu énervée parce que j'avais un dossier difficile, mais ça, c'est rien. On marche une demi-heure, on arrive à la maison, on a le sourire. Là, non, là, ils m'ont brisé. L'entreprise est un rouleau compresseur en ce moment. Profit, profit, profit, profit. Voilà. L'entreprise doit avancer pour le profit des actionnaires et tant pis si on perd des boulons en route. Et je suis un boulon. L'entreprise se doit surtout de réagir. La réunion avec les syndicats est avancée à la fin août. Des décisions sont prises. Renforcement des équipes de médecins de travail, des assistantes sociales, des équipes de ressources humaines dites de proximité. Les mobilités sont suspendues jusqu'à fin octobre. La direction prend la parole dans les médias. Elle reconnaît une souffrance chez les salariés et insiste sur la nécessité de redonner du sens au travail des collaborateurs. Mais sur les suicides, elle tempère. Il s'agit de cas individuels, de drames personnels. Il ne faut pas généraliser, dit-elle. D'ailleurs, les chiffres ne sont pas plus élevés que ceux d'autres années ou dans d'autres secteurs d'activité. Surtout, les médiatisés risquent de provoquer un effet de contagion, dit-elle. Bien. Et l'État dans tout ça? Rappelons qu'il est actionnaire de l'entreprise. Le gouvernement soutient donc la ligne de la direction de France Télécom par la voix de Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée. C'est une obligation, c'est un devoir à la fois pour l'entreprise et pour le gouvernement qui, comme vous le dites, est puissamment actionnaire, de se pencher sur cette question. Cela étant, je crois que le suicide est une affaire trop grave, trop personnelle, pour qu'on puisse réduire ce phénomène que l'on constate chez France Télécom à un problème d'organisation d'entreprise. Comment mesurer en effet la part de responsabilité de France Télécom? Bon, il y a quelques indices tout de même, et on les trouve dans les phrases posthumes de ceux qui se sont donné la mort, le choix du lieu du travail en tête, et puis les chiffres du mal-être. De nombreux cas accablent le groupe. Aucune étude n'a été réalisée à l'échelle nationale sur le sujet. Les syndicats, au sein de l'Observatoire du stress, décident d'utiliser le seul rapport existant. Il a été réalisé en Basse-Normandie. Extrapolé à l'échelle nationale, il montre que le nombre de suicides pour des raisons professionnelles est 4 fois plus élevé chez France Télécom que dans le reste des entreprises françaises. Au début du mois de septembre 2009, France Télécom reconnaît une semaine tragique. Le 9, un technicien du centre d'intervention de Troyes tente de se poignarder en pleine réunion d'équipe. Il vient d'apprendre la suppression de son poste et sa mutation. 2 jours après, une chargée de clientèle se défenestre de son bureau parisien dans un centre de recouvrement d'Orange. Dans une lettre écrite à son père, elle met en cause ses conditions de travail. C'est le 23e suicide au sein de l'entreprise depuis février 2008, autrement dit, en 1 an et demi. La situation est critique. Le 15 septembre, Xavier Darcos, ministre du Travail, convoque Didier Lombard, le PDG de France Télécom. De nouvelles mesures de prévention sont décidées. À la sortie de la réunion, Didier Lombard fait son mea culpa. Oui, mais il dérape. C'est un changement de structure considérable que nous avons fait en très peu d'années. En plus de ça, les technologies changent d'une façon assez fantastique et peut-être j'ai eu le tort de trop le dire, parce que ça crée à l'intérieur de l'entreprise, pour des personnes qui sont habituées à la, disons, à la culture administrative, un sentiment d'instabilité. Pour marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. La mode des suicides, la phrase fera date. Le PDG s'en excuse le lendemain, mais le mal est fait. Cette expression traduit une direction complètement désemparée face à un phénomène qu'elle n'a pas vu venir, qu'elle n'a pas voulu voir venir et qu'elle ne contrôle plus. La série noire, elle continue. Fin septembre, Jean-Paul Rouanet, un employé de 51 ans, se jette du haut du viaduc d'Annecy. Dans une lettre, il met directement en cause le management de l'entreprise et son mal-être. 24e suicide depuis février 2008. Cette fois, Didier Lombard se rend immédiatement sur place. Il est accueilli sous les huées des employés. Pour eux, la situation n'est plus tenable. Ils voient mourir leurs collègues, parfois sous leurs yeux, jour après jour. Des manifestations sont organisées partout à travers la France. Un syndicaliste crie sa colère. On n'en peut plus. De tout. C'est con. Personne ne nous écoute, personne ne nous entend. On envoie des courriers à tout le monde, au pouvoir public. J'ai même écrit au président de la République. J'ai reçu une lettre de la part de mon ministère que tout allait bien à France Télécom, alors qu'il y avait déjà 13 suicides. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ces sacrifices humains, de personnes qu'on connaît parfois, eh bien, on n'en peut plus. Alors, on parle de la souffrance au travail. Il y en a qui croient que c'est pas possible. Et moi, je vous dis, à France Télécom, c'est possible, parce qu'on nous détruit petit à petit. Face à la pression médiatique, Didier Lombard réagit. Le 5 octobre 2009, il débarque avec son numéro 2, Louis-Pierre Vénès, qui est remplacé par Stéphane Richard, l'homme censé succéder à Didier Lombard dans les années à venir, le dauphin, quoi. Des mesures concrètes sont prises. Le gel des restructurations est prolongé jusqu'au 31 décembre. 380 personnes sont embauchées. Les objectifs individuels à atteindre sont réduits. On allonge également les temps de pause. Un cabinet extérieur, Technologia, est retenu pour mener une étude au sein de l'entreprise. La direction décide de communiquer ouvertement sur les suicides. Elle annonce en avoir recensé 32 en 2 ans, une hécatombe. Alors qu'à la fin de l'année 2009, la crise s'atténue, quelques mois plus tard, en février 2010, un nouveau signal d'alarme est relayé par la presse. À France Télécom, la série de suicides ne s'est pas interrompue. Le week-end dernier, c'est un technicien parisien de 53 ans qui a mis fin à ses jours à son domicile. C'est le 6e suicide depuis le début de cette année. Pour les syndicats, c'est le signe que rien n'a changé dans l'entreprise. Sébastien Crozier de la CFE-CGC. L'ensemble des salariés de France Télécom est très ému. Au sein de l'entreprise, nous avons connu 35 suicides en 2 ans. 6 en 7 semaines, c'est un score épouvantablement élevé. Il est impératif que Stéphane Richard prenne les commandes rapidement, parce qu'il faut prendre des décisions, il faut changer le quotidien des personnels. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est toujours la vieille direction qui est aux commandes et qui n'a pas compris la situation sociale dans laquelle elle a mis l'entreprise. Le syndicat Sud décide de saisir la justice. Il dépose une plainte contre les 3 principaux dirigeants de l'entreprise, Didier Lombard, Louis-Pierre Vénès et Olivier Barbereau, le DRH du groupe, pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui. Stéphane Richard, lui, est nommé directeur général. Didier Lombard reste toujours PDG, mais se met en retrait. Le nouveau patron scelle un nouveau contrat social au sein de l'entreprise. Il change de communication, insiste sur l'humain et surtout, il envoie un signal fort au début du mois de juillet 2010, 1 an, quasiment jour pour jour, après le suicide de Michel de Paris. Michel de Paris travaillait dans l'unité technique du 9e arrondissement à Marseille. Lorsqu'ils ont appris que France Télécom considérait son suicide comme un accident du travail, ses camarades ont versé des larmes. Depuis 1 an, très exactement, sa famille, ses collègues et les syndicats se battaient pour que France Télécom prenne sa part de responsabilité dans ce suicide. Alors pour sa sœur Christine, c'est une consolation. Ça permet de pouvoir faire notre deuil aussi, quoi. C'est très très important pour sa mémoire parce qu'il n'a pas perdu la boule, il n'est pas devenu fou, il a craqué à cause de son boulot. Il y avait du mal. Il y avait du malaise dans son travail et c'était pas le seul à le ressentir. Michel a laissé ce mot qui était très très explicite et au moins c'est pris en compte. La boîte reconnaît et la boîte dit oui, c'est un suicide dû au travail. « L'affaire des suicides à France Télécom joue un rôle historique à plusieurs titres. Pour la première fois, un PDG qualifie le suicide de l'un de ses salariés d'accident du travail et engage la responsabilité de son entreprise. Grande première aussi, puisque pour la première fois encore, un PDG du CAC 40 est mis en examen pour sa politique managériale. Le 6 janvier 2015, l'enquête sur la vague de suicides à France Télécom rend ses conclusions. Elle confirme la mise en examen pour harcèlement moral de Didier Lombard. Le dossier pourrait être renvoyé en correctionnel. Cette enquête s'appuie sur de nombreux documents, notamment différents rapports de l'inspection du travail, tout sa charge contre la direction et sa politique des ressources humaines. Mais cette vague des suicides à France Télécom reste surtout l'une des premières répercussions humaines de la crise financière historique de 2008. Depuis, on scrute avec désarroi cette courbe du chômage qui refuse de s'inverser en dépit des efforts de l'État et des incantations de son chef. Le problème, c'est qu'elle cache une autre réalité, terrible elle aussi, mais qui est mise en sourdine, celle de la souffrance au travail. S'estimer heureux de se taire parce qu'au moins on a un emploi, voilà sans doute l'une des victoires les moins glorieuses d'un capitalisme devenu maître chanteur. Of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I. Questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les suicides chez France Télécom, dont nous allons parler avec notre invité Michel Debout. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé, et vous êtes l'un des spécialistes français de la prévention du suicide et des souffrances au travail, fondateur par ailleurs et ancien président de l'Union pour la prévention du suicide. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur les risques psychosociaux au travail, le suicide et le traumatisme du chômage. Et puis alors, vous êtes venu témoigner au procès de France Télécom, donc vous vous nous intéressez dans cette émission Affaires Sensibles, à double titre, titre de témoignage et d'analyse. On va commencer, si vous le voulez, par le témoignage. Oui. Donc ce procès qui s'est ouvert en mai 2019 et dont le jugement a été rendu, je le rappelle, le 20 décembre de la même année, c'est donc tout récent. Alors, lors de ce procès, de votre témoignage, Patrick Ackermann, dans son blog sur Mediapart, raconte que Jean Veil, l'avocat de Didier Lombard, ex-PDG de France Télécom, vous aurait déclaré « J'ai une question, mais je ne veux pas vous harceler, je vais être sûr que vous ne vous suiciderez pas. » Bon, au-delà du côté indécent de la réplique, si je puis dire, comment vous avez traduit ça, vous ? Qu'est-ce que ça disait du procès, de l'incapacité d'avoir un sentiment de culpabilité pour ces gens-là ? Ça donne un tas de choses, dans la phrase, il y a tout, quoi, beaucoup de choses. J'ai compris deux choses. La première, c'est qu'il pensait que j'étais un expert venu d'ailleurs, pas suffisamment connu pour être intéressant, important, et qu'il ne savait pas que c'est mon métier d'être expert. Je suis expert en cour d'assises. J'ai vu d'autres procès avec des situations encore plus tragiques. Vous en avez vu d'autres ? J'en ai vu d'autres. Donc c'est pas un avocat, fût-il lui-même, qui allait m'impressionner, parce qu'il pensait m'impressionner, mais ça n'a pas marché. La preuve, c'est que quand on est sorti, avec l'arrêt de l'audience, je parlais avec M. Ackermann, et puis un avocat des parties civiles, et de loin, il m'a vu, et il s'est dirigé vers moi pour me dire que j'étais quelqu'un de pas intéressant. Pour vous dire, s'il avait non-maîtrise, mais ce que j'ai compris surtout, c'est qu'en fait, il n'avait pas lu l'avis du Conseil économique et social qui concernait le harcèlement moral et que dont j'étais le rapporteur. Je n'ai pas écrit tout seul, je l'ai écrit avec les membres du Conseil, syndicalistes, représentants patronaux, associatifs. Mais vous étiez le directeur éditorial pour organiser tout cela. D'une certaine façon, et je l'ai écrit aussi avec les personnes du Conseil, Dominique Guyot, M. Xavier Guyard, on était tous ensemble pour écrire ce texte. Et il ne savait même pas, lui qui prétendait défendre M. Lombard, prévenu de harcèlement moral au travail, son avocat ne savait même pas que le Conseil économique et social avait écrit un avis en 2001, et que c'est cet avis qui avait été traduit dans la loi de 2002. Et donc, s'il voulait bien défendre son client, il aurait dû connaître cet avis, parce que cet avis en disait long sur ce qu'est ou n'est pas le harcèlement moral au travail. Et d'ailleurs, le tribunal ne s'est pas trompé, car vous pouvez relire le passage du tribunal, du jugement. Une place particulière sera accordée, c'est le tribunal là qui parle dans son jugement, sera accordée à l'avis adopté lors de sa séance du 11 avril 2001 par le Conseil économique et social versé au débat. Voilà. Donc, il ne reconnaissait pas la légitimité de l'expertise, quoi. Il voulait mais surtout parce qu'il ne l'avait pas pris la peine. Mais comment peut-on prétendre bien défendre un client, surtout lorsqu'on s'appelle Maître Veil et quand on défend M. Lombard, et pas connaître les textes de base, vraiment de base, qui permettent de dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas harcèlement moral au travail. D'accord. Et c'est pour ça, je crois, c'est comme ça que j'explique sa réaction, qui n'était pas maîtrisée, parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Alors, on va revenir sur ces années 2007-2008, et nous, on va essayer de comprendre ce qui est arrivé à France Télécom. Alors, bien sûr, on a tenté de le faire avec le récit, mais je voudrais aller plus loin sur les racines du mal. Comment s'est installé ce harcèlement terrible dans cette entreprise, et pourquoi ? Donc, il y a deux questions en une. Oui, alors, la question du harcèlement, elle vient d'un ouvrage de Marie-France Irigoyen, Harcèlement moral. Ça concernait non pas le travail, mais les situations de couple et les situations de voisinage. Et le sous-titre de cet ouvrage, c'était « Où la violence perverse au quotidien ». C'est-à-dire que Marie-France Irigoyen décrivait des situations où un individu pervers avait une relation d'emprise avec sa victime, parfois sa conjointe, parfois une connaissance, pour lui faire vivre une situation de grande dépendance, de grande souffrance, sans dire les mots. C'est vraiment ça, la perversion. Et donc, pour les gens, le harcèlement, c'est devenu quelque chose d'inter-individuel. un harceleur et une personne harcelée. C'était ça. Et il a fallu faire tout un travail pour comprendre que les situations harcelantes, notamment lorsqu'il s'agit de situations professionnelles et pas de situations de couple ou de d'autres relations humaines, que au travail, ce n'est pas seulement inter-individuel, c'est aussi la structure, c'est aussi l'institution, c'est aussi la gouvernance de l'entreprise qui peut être harcelante et qui va donc créer des souffrances sur l'ensemble des personnels. Et c'est pour ça d'ailleurs que la présidente du tribunal a pu écrire « Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Tous en souffraient. Et heureusement, ils n'en ont pas tous souffert au point d'aller jusqu'au bout de cette souffrance, c'est-à-dire de se suicider, mais tous étaient atteints, parce que c'est un processus harcelant. Et pour aller plus près de France Télécom aussi. Pour rapporter à France Télécom. Mais je vais y rapporter à France Télécom, parce qu'avant l'affaire de France Télécom, en 2001, lorsque j'ai publié cet avis, et lorsque j'ai fait un certain nombre de conférences, parce que la question venait dans le public, on s'y intéressait, il y avait beaucoup de réunions qui se faisaient avec des syndicats, même avec des structures patronales, pour comprendre ce qu'était le harcèlement. J'avais une formule à l'époque, pour préciser ma pensée, et aussi pour la synthétiser. Je dis, le harcèlement, quand la cause du harcèlement n'est pas la perversion de l'auteur, c'est-à-dire celui qui jouit de la souffrance de l'autre, alors pourquoi harceler ? Pourquoi harceler à ce moment-là, si c'est pas ça qui est visé ? Alors j'avais une formule, on le casse pour qu'il se casse. Okay. On le casse pour qu'il se casse. Eh bien, c'est l'histoire de France Télécom. On les a cassés, on les a vraiment cassés pour qu'ils partent, parce que c'était la seule possibilité de les faire partir, puisqu'ils étaient protégés par leur statut de fonctionnaire de l'époque, donc on ne pouvait pas les licencier. Donc il fallait leur pourrir la vie au travail pour qu'ils partent. Et une des façons de ce pourrissement, c'était, on l'a expliqué, ça a été repris, je ne vais pas détailler, on les nommait à 300 kilomètres de leur lieu de vie, des gens qui étaient dans cette région depuis des années, avec leurs enfants, qui avaient construit leur vie. Tout d'un coup, on leur dit, non monsieur, c'est maintenant, à partir de demain, et parfois c'était à partir de demain, vous allez aller travailler dans des centres, ou bien c'était vous quittez l'entreprise. C'est maléfique, ça. C'est maléfique, effectivement, mais c'était dû quand même à un changement de processus de fabrication, enfin le plan Next, notamment. C'est le départ, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on demande à des gens de changer. Moi, ça me fait penser à Pôle emploi. Vous vous souvenez de Pôle emploi? Oui. On a demandé, quand Pôle emploi a été créé, à des salariés des acédiques de devenir des prospecteurs placiers en emploi, des conseillers en emploi, et à des conseillers en emploi d'être des techniciens de la CEDIC, des comptables. Oui, tout à fait. C'est terrible. C'est comme si on vous disait, maintenant vous êtes plus expert, vous allez faire autre chose. Une dévalorisation de la personne. Et on trouve ça chez France Télécom aussi, avec le plan Next. La raison. Je l'ai entendu, c'est ce que d'ailleurs j'ai dit au tribunal, un matin, à la radio, M. Lombard, que je ne connaissais pas par ailleurs, expliquant qu'il y avait 22 000 salariés de trop dans son entreprise, annonçant ça un matin à 8 heures. Alors que tous les agents de France Télécom pouvaient être branchés sur cette radio et entendre la nouvelle. 22 000 sur 100 000, sur 120 000, ça fait dire 1 sur 6. Ça veut dire que l'agent qui retrouvait ses camarades quelques minutes après, sur 6, il y en avait un qui devait partir. Et qui devait partir ? Pourquoi c'est lui qui devait partir ? Vous voyez, ça crée aussi... C'est quoi ça ? C'est le règne de l'arbitraire aussi ? Complètement. Parce que ça crée énormément de souffrance, ça l'arbitraire. Ça veut dire que c'est la finance qui ignore l'humain, qui ignore l'humain. Est-ce que ces gens sont incompétents, les gens qui dirigent, ou l'énarchie, ou je sais pas, sont incompétents, ou est-ce qu'ils sont réellement dans cette perversion que vous exposez, les deux? Les deux, mais surtout, c'est considérer que le but d'une entreprise, c'est pas rendre service. Quand on s'appelle France Télécom, c'est pas rien de s'appeler France Télécom quand même. Quand on est France Télécom, on doit rendre service. C'est quoi ? C'est de permettre à tous les Français, et puis d'autres aussi, d'avoir accès au téléphone, à tout ce qu'on a dit maintenant, des techniques nouvelles. C'est ça le but de l'entreprise. Non, pour Monsieur Lombard, le but de l'entreprise, c'était de faire du chiffre. Voilà, il n'y a pas d'autre explication, faire du chiffre. Et tous les moyens sont bons, y compris la mise en cause de l'humanité de ces personnes, de ces salariés. Et ça, c'est inacceptable. Et en parlant d'humanité, peut-être même d'inhumanité, les cadres supérieurs de cette entreprise, pendant le procès, ils étaient dans le déni encore? C'était quoi leur façon de se justifier, de justifier si cela? Si on n'est pas, quand on a provoqué autant de souffrances, si on n'est pas soi-même un peu dans le déni, parce que le mot déni renvoie parfois à des structures psychotiques de la personnalité, donc je ne vais pas qualifier ces personnes de psychotiques. Mais il y a besoin aussi un peu de dénier la souffrance de l'autre, sinon alors on est face à l'abomination de ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire il y a une espèce d'effondrement, un risque d'effondrement narcissique, et qui pourrait mener même l'auteur à lui-même à se déprimer, et parfois même à se suicider. Et donc, si vous voulez, c'est une espèce de mécanisme de défense. On dénie parce que sinon, on est responsable. C'est ça, oui. Personnellement, humainement, je reprends le mot, on est humainement responsable de ces morts. Et on a entendu tout à l'heure parler avant la mort. Et après avoir entendu ces mots-là, on a presque envie de se taire, tellement c'est lourd de souffrance. Tout est dit, c'est lourd de le dernier détresse, bien sûr. Et aussi de sentiment d'impuissance, parce que quoi faire quand la direction n'entend rien, surtout ne veut rien entendre, et ça passe, ça passe et ça casse. Et aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont comme ça, qui n'entendent rien. Alors, là on a entendu... Mais vous rappeliez que le rapport du Conseil économique et social que vous avez dirigé avait vraiment sonné l'alarme. En 2001. Hein, en 2001. Alors en pourquoi, 2001, pourquoi autant de retard à l'allumage? Pourquoi on a réagi si tardivement? Et je dis ça parce que pendant ce temps, des gens se sont suicidés. Oui. Pourquoi? On ne voulait pas, la justice, la société ne voulait pas, comme un tabou, aborder ce problème parce que ça posait trop de questions. Mais c'est quoi? À partir du moment où la gestion d'une entreprise fait passer les résultats financiers avant la santé des salariés. Évidemment, le déni, c'est pas seulement le déni des dirigeants, c'est le déni de l'institution, de l'entreprise elle-même. Sinon, elle rentre dans cette situation de grave détresse. Donc, on peut pas, à un moment donné, ce n'est plus supportable de penser que c'est l'entreprise elle-même qui va conduire ces personnes à l'acte ultime. Et je vais quand même lire un passage. Oui, vas-y. C'est le groupe des entreprises publiques. Le groupe des entreprises publiques qui fait partie prenante du Conseil économique et social. Comme les entreprises privées. Comme les entreprises privées. Donc c'était le président de ce groupe en 2001 qui a dit ceci au Conseil, à la réunion du Conseil, à la réunion plénière du Conseil où on discutait de la vie. On vous écoute. Il a dit cela. Le groupe. Donc, les dirigeants d'entreprise, on entend bien, c'est pas des syndicats, c'est pas un syndicat qui parle, dirigeants d'entreprise. Le groupe souhaite privilégier avant tout les voies de la prévention, de la formation et de la responsabilisation de l'encadrement et de la médiation, ainsi que la mise en œuvre de toutes les possibilités existantes pour les délégués du personnel, les CHSCT, la médecine du travail, les comités d'entreprise et les organisations syndicales. En fait, ce que nous disait le groupe des entreprises publiques et les privés ont dit pareil, c'est la prévention qui est essentielle. On ne va pas attendre que les gens soient détruits, soient démolis par des systèmes harcelants, mais que dès qu'on a un premier signe de dérapage, c'est là qu'il faut prévenir. Parce que les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ont une obligation de protection de la santé. C'est une obligation de la protection de la santé. Donc, prévenir, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et rien fait. La preuve, c'est que ça a été écrit par eux-mêmes en 2001, et que 10 années après, on a connu, dans une des grandes entreprises publiques françaises, on a connu ce qu'on vient de rappeler à l'instant. Donc voilà, si vous voyez, les discours, ça existe, c'est plutôt bien d'entendre des bons discours, mais ce que les gens veulent, ont besoin, c'est des actes, des actes, qu'il n'y ait pas de contradiction entre ce qu'on annonce et ce qui se passe. Parce que là, c'est effectivement, il peut y avoir que de la colère, il peut y avoir que du malaise quand on est traité de la sorte. Et c'est ce qui explique qu'on en est arrivé là. Et moi, je voudrais simplement insister sur une chose, c'est que si on veut, et si les entreprises, comme elles l'annoncent, elles veulent de la prévention, j'ai un moyen tout simple, c'est qu'on reconnaisse cette souffrance des personnes, des salariés, souffrance psychique, mais parfois aussi souffrance globale, qu'on les reconnaisse dès les premiers signes, les premiers signes en maladie professionnelle, parce qu'à ce moment-là, on n'attendra pas des années avant que ce salarié qui est souffrant, qui va voir un médecin, qui est dépressif, qui est anxieux, qui arrête son travail. Mais jamais on fait le lien avec sa situation professionnelle, puisque ce n'est pas reconnu en maladie professionnelle. Alors, en vous entendant parler, je me dis que là, il y a peut-être et certainement un problème de structure dans les entreprises. Il y a un service qui s'appelle la DRH, Direction des Ressources Humaines. Avant, on disait directeur du personnel. Vous avez dit, non, humaine. Parfois, on dit capital humain, c'est encore pire. Capital humain, oui, c'est pas mal. Peut-être que ces instances-là doivent être considérées comme des instances dans l'entreprise de plus en plus importantes, et pourquoi pas avec un vrai label d'indépendance, je rêve un peu. Enfin bon, ça peut passer par là. Ça sert à quoi une DRH, sinon? Avant, il y avait les CHSCT, vous savez, Comité d'hygiène, sécurité et de conditions de travail. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? On les a supprimés. On les a supprimés, ils avaient des moyens, ils avaient aussi une certaine indépendance. Voilà, c'est pour ça que je parle d'indépendance. Et puis, ils pouvaient demander des études par des cabinets spécialisés. Qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise? Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus. Donc ça veut dire que ça pose la question du manque de protection, pour le coup. Le manque de protection, et puis les médecins du travail. Oui. Bien sûr que c'est important. Et il faudrait d'ailleurs réfléchir sur leur statut par rapport aux chefs d'entreprise. Mais c'est des gens qui sont très conscients de la souffrance des salariés, qui sont très conscients de ces situations harcelantes, de burn-out, etc. Mais vous savez qu'il y a des facultés de médecine où il n'y a plus de professeurs de médecine du travail. Alors on manque de beaucoup de médecins, mais on manque beaucoup de médecins du travail. Et qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez entendu la ministre de la Santé dire, oh, c'est terrible, comment ça se fait? Comment on peut sauvegarder la santé des salariés si on n'a pas des équipes médicales disponibles et compétentes? Moi, je ne l'ai pas entendu parler de ça. Bon, c'est aussi la question, je le répète, des contre-pouvoirs ou du manque de contre-pouvoirs dans une entreprise. Et le contre-pouvoir est nécessaire pour crédibiliser la parole de ces victimes. Et d'ailleurs, elles l'ont dit. Le témoin, celui qui parle à l'assistante sociale et qui lui dit « j'abandonne finalement ». Le premier, il est dans le sacrifice, il est dans la colère, celui qui s'immole. Il en veut beaucoup. Mais sur le second, parking, sur le parking, il prend un témoin, c'est ce que j'appelle le suicide sacrificiel. Le second... Ma cause, c'est aussi votre cause, quoi. Oui, oui. Et puis, je ne serai pas mort pour rien. Vous allez me voir. Et forcément que vous ne pourrez pas rester là. Mais le second suicide, c'est un suicide isolé, plutôt qui se cache et qui dit à la personne, moi je baisse les bras. Il est dans l'abandon parce qu'il s'est senti abandonné. C'est pas parce qu'il abandonne sa colère ou qu'il abandonne le combat. C'est simplement parce qu'il s'est senti à ce moment-là dépassé par la situation, impuissant à la faire bouger. Donc quand on amène des gens qui depuis 20 ans, 30 ans, étaient dans des entreprises, qui ont eu des responsabilités, qui se sont engagés en arriver là et de ne pas voir, ce qui se passe. Et de ne pas vouloir voir également. Et vouloir voir. Je vous pose la question. Je pense d'abord de ne pas vouloir voir. Je vous ai dit que si on, à partir du moment où on voit, et si on n'est pas dans le déni, alors évidemment, c'est insupportable. Bien sûr. Insupportable. C'est ce que vous disiez au départ. Le temps passe très très vite. Il nous reste, rendez-vous compte, un peu plus d'une minute, pas plus. En Dans quelle mesure peut-on espérer que ce procès de France Télécom fasse jurisprudence et soit maintenant une balise, hein, les entreprises qui se rendent coupables de harcèlement jusqu'au pire, jusqu'au suicide, et peut-être même pas jusqu'au suicide, mais de harcèlement, passent en justice au pénal et sont Mais ce procès, condamnés. Il est essentiel. Il est essentiel parce que justement, on sort d'une problématique inter-individuelle pour dire non, c'est la direction et le plus haut niveau de la direction. Quand on met en place un système harcelant, c'est bien la direction qui est responsable. C'est pas celui qui est le cadre intermédiaire qui est amené aussi, mais par la force des choses, parce que lui-même, il est harcelé. Il est harceleur et harcelé en même temps. Ouais, c'est la direction qui est coupable. Et que ce jugement ait reconnu cette culpabilité, c'est essentiel pour la suite. Et bien là, sûr. Je crois que c'est le début d'une autre histoire, et d'une histoire qu'il faudra écrire ensemble, et notamment la reconnaissance de toutes ces souffrances en maladie professionnelle, je crois que c'est un objectif essentiel. Et il faudra aussi éliminer cet argument, ce contre-argument qui consiste à dire le suicide, c'est tellement personnel que c'est pas forcément lié à ça. Vous savez, il avait des problèmes chez lui. Et bien sûr, bon, mais ça reste, passe par là aussi, hein. Ça reste personnel, mais ça n'empêche qu'il y a une cause essentielle et elle est démontrée par ce jugement. Bien, merci infiniment, Michel Debout, monsieur, pour vos éclairages et vos explications. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les suicides chez France Télécom, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires bien sûr. Et merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.